rester pour demain ne mène à rien, sauf dégénérer les nerfs et ronger le frein. Le frein, j'en ai besoin pour mon maintien. C'est pas du refoulement, c'est pour mon bien. L'année prochaine, c'est loin, on en convient. Je ferai ce que je ferai et rien de moins. S'inquiéter pour demain ne mène à rien, sauf nous voler l'attention dont on a besoin. Aujourd'hui, pour être serein. Minuit sort de semaine, je me mets au lit. Ferme les yeux, mais réfléchis. Je veux tout arrêter, mais ça se poursuit. Les positions dodo, je les multiplie. Un mental agité fait la pire des nuits. Le temps est lourd et le sommeil fuit. Minuit sort de semaine, je me mets au lit. Morphée, please, emmène-moi loin d'ici. Demain. Si on comptait le temps passé à se faire des idées, on capoterait à voir combien ça fait de jours gâchés. Passer à mille lieues de la réalité, comme une toute